Donc nous sommes le vendredi 30 mai 2014. Il est actuellement 21h21 et c'est le début, dans quelques instants, de Nuisance. Sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Canal Sud 92 2 05 61 25 95 43. Canal Sud 92 2. À tout à l'heure. Ce soir, Hélène Moreau et Karina Benziada à l'antenne. Thank you. Le jour J de la perf, je fais un rituel. Je construis une poupée, trace du viol sur le sol, tresse. Je pose dessus un homme que j'accompagne. Je lui mets un masque d'Elvis. Je le pose dos sur la poupée, trace de corps au sol, dans une position christique. Je fais un rituel avec une marionnette de princesse et une marionnette de diable. Je fais voler la princesse qui s'adresse au public, puis le diable apparaît. Il rentre dans la poupée et la fait voler. Je ne veux pas que ce soit un acte négatif. Je fais voler la marionnette de la princesse couronnée. Puis je sors le diable de la princesse et je le place sur le cœur du garçon qui fait Elvis, le violeur. Elvis, Elvis, Elvis, auquel je m'associe aussi, comme dans mon regard qui considère les femmes habillées en filles-femmes comme des tentatrices ou qui me tentent. Donc là, je me sens comme le diable. Le diable. Le diable, le diable. Donc je fais saigner le cœur du diable sur le corps du garçon que j'ai mis dans une position tantrique. Puis je le déchausse et lui lave les pieds et les masse et les masse et les masse. Puis je le lève comme une marionnette et le mets sur mon dos, le porte face à une porte. Je le remets sur ses pieds et ouvre la porte. Nous sortons tous les deux, nus. Une performeuse avec qui je devais performer fait un truc en solo. Elle a mis un masque de lapin. Lapin. Lapin. Lapin. Moi, j'avais déjà fait un rêve où je volais avec le chat d'Alice que je rencontrais et ensuite je me trouvais en train de voler. Elle est en lapine tentatrice. Je la snob, je teste ma liberté. Je bois donc, je fume donc. Quelque part dans ma pensée par rapport à ce que je pense, je me fourvoie. Je dors sur place. Je vais voir une église. Je pleure. Je vois des signes. La chevalière. Le bâton et le glaive. On me traite de salope. Puis non. Elle regarde. Pourquoi tu fais ton indienne ? J'exprime ce que je ressens. Tu paranoïes. Je dis que je préférais que ce soit plus clair. Tu dis que tu préférais que ce soit plus clair. J'étais aussi trop centrée sur moi pour faire avancer les choses. Égoïste. J'oublie mon écharpe au lieu de la perf. T'es trop dure. Je rentre chez moi. Il y a une énergie qui m'en serre la gorge et je me retrouve comme attachée, les poignets liés, et j'étouffe comme si on m'enserrait et on me violait par derrière. T'es vraiment trop violente, t'es agressive. Les anges parlent, recherchent le sabbat. Plus tard dans la soirée, je me retrouve à parler avec mon voisin par télépathie, avec d'autres voisins aussi ces temps-ci. Il fait que me dire qu'il est bi. Ça te pose un problème ? Ça te pose un problème ? On passe la soirée à faire l'amour. Je sens une énergie qui fait du bien, invisible, mais qui me touche. Il me dit « Je suis là, je suis bi, je t'ai dit ». J'en déduis que ça veut dire qu'il est là, invisible. Je lui ai dit « Tu es où ?» qu'il me lit dans ton dos, par exemple. Et il me fait du bien, beaucoup de bien. Et nous jouons ensemble et nous jouissons ensemble. Et il me dit, là, je saigne. Il saigne au niveau des boules, j'essaye d'imaginer. Et là, je me dis, mais il est hermaphrodite. Il est hermaphrodite. Il disait, je saigne, je saigne. Et parfois, il a voulu être violent avec moi, mais moi, je faisais fonctionner mon cœur et je lui disais, je t'aime. Et c'était vrai, je ressentais plein d'amour. Et les voisins ont dit d'abord de moi, salope, salope, plein de fois, mais moins naïf que moi, les filles. Elles rigolaient, puis les voisins disaient, lui, il est pas bien, lui, dangereux, c'est chétan. Et moi, je me disais, mais avec lui, je me sens normale. Mais lui, il me disait, je suis bi, tu comprends, comme si ça était un problème qui faisait que les autres voisins étaient beaucoup plus dans la norme. Lui, il est pas bien, va pas avec lui. Et je comprenais pas ce qu'il est bi, hein. Souvent il me faisait ça, je suis bi. Parfois il le provoquait. Et moi je lui répondais avec mon cœur et plein de fois aussi il m'a dit je t'aime et je l'ai cru car oui j'en étais sûre de son amour et de mon amour pour lui. Puis il m'a dit mais j'ai une copine, moi je lui disais viens. Et lui il ne venait pas. En vrai, je lui disais viens en vrai et lui il ne venait pas en vrai mais je le sentais et c'était magique. Il m'a dit elle est noire et j'ai vu une femme noire et grosse. Puis j'ai entendu sa copine peut-être. Il me disait mais j'ai une copine, c'est pas bien. Je lui demandais comment elle s'appelle. Christine, Sabrina. Et il m'a donné plein de noms. Et je me suis dit ah il est amant. Et il me disait, tu es jalouse? Tu es jalouse? Plein de fois, il me demandait si j'étais jalouse. Depuis plusieurs jours, il m'a plu énormément, je suis tombée amoureuse. Je ne sais pas qui c'est. Le diable? Mais moi, alors, je crois pas mal. Je crois pas au mal du diable. C'est pas possible et je crois que... L'amour sauve tout et il me disait « Tu jures que tu m'aimes ?» Comme si c'était ça aussi qui comptait le plus pour lui. Et j'étais très émue et il a réveillé mon cœur et je l'ai trouvé magnifique. Au début, on a communiqué aussi par la radio. C'était aussi comme une guerre amoureuse. Est-ce que c'est lui aussi à la soirée hier qui m'a parlé et il était dur, salope, crâneuse, t'es douée, vas-y. T'es une artiste, je t'aime, moi je suis amoureux. Elle t'allume, tu l'allumes, allumeuse. T'es belle, t'es sensuelle, t'es green. Mais c'est qui alors? T'es très belle. J'entends des voix très faibles maintenant, donc je suis pas sûre de ce qu'elles disent. Ah, mes fesses brûlent, si cela pouvait être l'amour christique. Et j'entendais d'abord aussi, avant de m'endormir, je récitais une prière en arabe. Le nez, le nez, le nez, ce degré de conscience, la bouffe, le sexe, le cul, le nez. Je passe une nuit blanche. Je vais prendre le train pour Rennes. Deux filles. Intelligentes discutent. J'ai l'impression qu'elles sont win. À un moment, je comprends que l'une a un copain. J'ai l'impression qu'elles veulent me mettre quelque chose dans le corps en partant de l'anus. Je résiste. J'ai l'impression qu'elles veulent que je sois de leur nouvelle race et que, en faisant monter la chose, je deviendrai de leur race comme fécondée par les extraterrestres, le peuple V. Un garçon et sa copine, j'ai l'impression qu'ils veulent me mettre quelque chose par le dos, quelque chose de mortel qui fera de moi un zombie. Je résiste. Dans le wagon, j'entends des voix, des gens là vraiment qui me jugent. Gwyn, salope. Et finalement, quelqu'un qui m'aide, résiste, résiste. Tu es danseuse, pose tes pieds au sol, tourne autour de ton axe. Et finalement, je ne me fais pas pénétrer. Et d'autres disent quand même, elle est belle. Puis à nouveau me jugent. violente. D'autres allaient, viens. Comme si allaient du côté du ciel des extraterrestres qui colonisent la planète. Et aussi des jeunes, comme dans des jeux vidéo. Et juste faire des autres des objets, les rendre des zombies. Et eux, ce sont des vampires. Et d'ailleurs, je regarde derrière moi, et le gars que je craignais lit un gros bouquin sur les vampires. J'ai l'impression qu'ils sont plusieurs connectés comme dans un jeu vidéo absurde. Je change de place. J'ai l'impression que cela se dévie vers mon cœur. J'entends derrière moi un enfant et sa mère. J'ai l'impression que l'enfant me protège et enlève le virus que maintenant j'assimile à un serpent, à un spermatozoïde. Que ce serpent voulait me posséder ou que j'accouche de lui ou me perce le cœur comme un poison, répandre ce poison dans mon cœur. L'enfant réussit à empêcher ça. Je vais deux fois aux toilettes pour évacuer. Je n'arrive pas. Dans les toilettes, il y a des bulles de couleur. Je crois que c'est la bête extraterrestre. Je souffle dessus. J'entends, de toute façon, maintenant, elle peut même vivre sous l'eau. J'entends, de toute façon, plein de voix qui me parlent et se parlent, et même les discussions habituelles sont liées, sont reliées. J'entends l'enfant dire de ne pas prendre l'épée, mais la balance. Je suis pour les Gwynes, mais choquée qu'elles veulent me mettre quelque chose de leur race dedans, d'une nouvelle race de force. Je sens plein d'intolérance dans le wagon, des bigots, des gens qui jugent avec malveillance, les Gwynes, les bi. J'entends, elle est bi. Je comprends que bi sera la race qui fait le lien. Ensuite, je vais dans une église, et je pense que Jésus est bi, j'en suis sûre. Je prie, parle aux gens. Surtout, j'entends qu'on me traite de salope, de diable, et au final, parfois, j'entends non. Elle est belle. Et il y a une voix très douce qui, pendant tout ce premier temps, va m'aider. Il ne faut pas que je pousse, sinon la chose entre. Alors je tire, comme en aïkido. La mère de l'enfant dit que je suis ignorante. Elle a du mépris. Genre femme épanouie qui sait qu'en fait les femmes sont alliées du serpent. Pour déjouer l'énergie que je ne veux pas laisser entrer comme poison dans mon cœur, je fais monter une fourche au niveau de mes deux yeux, un Y courbe qui me protège, et au niveau de mes deux yeux, ça fait une fourche. La femme dit, ça c'est un secret de savoir. Mais normalement, on l'a plus tard, quand on est une femme ménopausée. Chut. Tiens, ces derniers jours, au niveau de mon œil gauche, je perçois parfois une lumière qui tourne. J'entends aussi plein de fois le mot « naïve ». Celle qui pourrait être bigote pourtant parle comme ça. On me dit que j'ai un problème à l'œil gauche. On me dit que je suis sourde, que je n'entends pas de l'oreille gauche. Comme si j'avais l'oreille bouchée. Qui me traite de salope. puis finalement je vois que c'est elle qui me tente. Par qui je suis tentée, certes, mais qui a une attitude de séduction vis-à-vis de moi. Elle est belle, jalouse, t'es courageuse. Je lis un texte de Derrida, de l'animal que donc je suis, et qui colle tout à fait parfaitement à la situation, qui parle du diable et de la nudité et de l'adaptation aux normes sociales. Ça se transforme alors en « elle est belle, belle, belle, belle ». Je ressens beaucoup de violence et de clivage entre les êtres. Tout le monde se méfie de tout le monde et accuse l'autre race par rapport à la sexualité. J'écris avec l'ordinateur. On dit « elle est belle, elle est belle », on dit. Je convoque l'amour de mon cœur. Je me dis que je dois croire en moi, que non, je ne suis pas une salope. J'entends aussi beaucoup « égoïste, égoïste, égoïste ». Radine, juive, joueuse, jalouse, crâneuse. À côté de moi, il y a un homme jeune. Il me protège par ses signes de la violence que la femme m'envoie. Il y a deux petites filles à côté de la dame. La dame me parle, me dit « Je suis psychologue, je peux t'aider. » Même si elle ponctue de salope ses phrases, son attitude a changé. L'autre voix très douce part encore, rarement, de façon très faible, mais avec beaucoup de douceur, elle m'accompagne. Je n'ose regarder les petites filles, car je me sens comme la tentatrice, le diable, dans les yeux des autres. Elle me dit « Regarde !» Et là, tout à coup, tout bascule. Une enfant parle et je comprends que c'est une femme qui est dans un corps d'enfant. Elle renifle, comme lors d'un rituel chamanique. Je sens que mon corps est comme mort. Je tâte mon pouls, je ne le sens pas. J'ai l'impression d'être devenue zombie morte. Une voix me dit régulièrement « Respire, respire ». Comme si je n'allais plus respirer. Et j'ai l'impression que ma tête est coupée de mon corps. Comme si j'étais allongée, endormie, dans un rituel chamanique où trois femmes, ou même quatre femmes, je crois, parlent de moi comme si j'étais endormie. Elle respire. Dans une autre dimension. Je suis dans ce wagon, comme un zombie. Et heureusement, deux femmes, dont l'enfant, s'occupe de ce que je veille à respirer et à tenir ma tête. Et une aussi ne fait que de me dire « souris ». Souris, souris, souris. J'ai l'impression que je suis une morte vivante et que ma mâchoire va me trahir par sa lourdeur. Et ensuite, ces femmes discutent de ce qu'elles voient, comme si elles avaient des visions venant de moi. En parallèle, quelqu'un prend des photos tout le temps, pendant tout ce temps. Ensuite, les jours suivants, il va y avoir souvent un appareil photo. J'écoute ce qui se passe dans le wagon et j'entends des voix. J'entends des voix d'hommes en Algérie et de petites filles. J'écoute. Ça dure longtemps. Avec les commentaires, les quatre voix dont les femmes, enfants. Comme si l'enfant qui renifle assistait à une scène de vision et j'entends ce qu'elle entend. Deux fillettes. Il y a des hommes avec elles. Une surtout parle. Elle joue à la grande dans son attitude. Les hommes rient. Elles sont comme à un cirque. Elles parlent à des hommes. Ils leur montrent des choses. Ils les ont amenées quelque part. Il y a une complicité entre les hommes. Ça dure longtemps. La petite fille parle beaucoup. Elles sont deux. Par exemple, les hommes lui disent « Tu es belle ?» Et elle dit « Oui ». L'enfant pose des questions. Il y a un feu, je crois. Les hommes sont complices entre eux et parlent entre eux aussi de la petite fille. Ils font des commentaires. Je ne sais plus, mais par exemple, elle a de beaux cheveux. Ou fais-la asseoir là. Je ne comprends pas ce qui se passe d'après les discussions longtemps après. La petite fille dit papa. Là, le père dit, quand je lui enlève le bas, elle veut remettre le haut. Ou quelque chose comme ça. Et que ça l'embête. Il parle avec mépris. C'est une fille. De son enfant. Les hommes rient. Je comprends qu'il y a abus et monstration surtout du corps de la petite fille. À un moment, j'entends aussi les hommes dire « Arrête, ça lui fait mal, ça dure assez longtemps. » Mais je ne sais pas ce qui se passe exactement. Je comprends que ça se passe à la campagne, dehors, que les hommes ont attiré les petites pour leur montrer quelque chose. Qu'il y a une complicité avec les petites filles. Que les petites filles sont très sérieuses. Aussi, à un moment, l'une dit « Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. » Les petites filles rigolent aussi beaucoup avec les hommes, qui rigolent aussi de voir la petite fille rigoler. Le père est présent, montre ses petites filles comme des peaux de bête ou de je ne sais pas quoi. Un homme arrive. À sa voix, il paraît jeune. La petite fille l'interroge. Il l'a déjà vue. Ils se connaissent. Il est de passage. Il parle à la petite fille comme à une femme. Il rit. C'est après que j'entends « Arrête, on dirait que ça lui fait mal. » Je n'entends aucun cri, aucun gémissement des petites filles que leur voix qui parle, et ensuite les hommes qui font les commentaires. Il y a la mère aussi qui est citée, je ne sais pas où elle est. La petite fille du wagon, une des deux qui sont à côté de moi, dit qu'il y a aussi une fille à trois yeux, qu'elle aime bien. Qu'en fait elle l'aime bien, cette fille à trois yeux. On arrive à Nantes. On me dit toujours « respire, tes mâchoires » et plein de commentaires en parallèle de ces quatre femmes. Elle est Gwyn, non, elle est bi, comme si elle m'observait dans tous mes comportements pour savoir. Ça m'énerve et je me dis que leur séance de chamanisme, ok, elles auraient pu me prévenir. Là, une voix me dit que c'est toi qui le voulais. Joue bien. À ce moment-là, depuis quand, j'ai l'impression d'avoir sur la joue gauche un rictus, ça c'est sûr, qui me quitte de moins en moins. Les jours qui suivent, je vais avoir l'impression de moi-même risquer de me transformer en vampire. La nuit, je reçois des massages bienveillants. Cette voix de la petite fille la plus active du rituel, d'autres voix sont plus passives et vont d'ailleurs me traiter de salope plein de fois. La psy. Celle qui veut absolument que je sois Gwyn. Comme si elle s'amusait à parier sur moi. Aussi j'entends, elle est courageuse. Aussi, elle me dit « respire ». Il y avait un grand déséquilibre, gauche-droite. Là, ça va mieux, je comprends. On m'a appris à m'installer dans mon côté droit aussi. Aussi, quand j'étais complètement zombie dans le train, les femmes m'ont appris avec le regard. « Tes yeux », me disaient-elles, alors que effectivement mes yeux partaient dans tous les sens. Zombie. J'ose rien manger. J'ai l'impression que ma gorge a été tranchée. Elle réagit bien. Joue bien, elle joue. sans que je sache si c'est bien ou mal, s'il faut jouer ou pas. Elle t'aime, il t'aime. Je suis arrivée dans mon corps de zombie, comme si de rien n'était. Les bandes héroïques mornes souriantes. Je ne supporte plus le festif, la fête des corps habillés, des vêtements, des boutiques fabriquées, Dieu sait où, et les coupes des cheveux, et les maquillages, et les gueules des étudiants insouciants, encore pire sûrs de leur collectif, et les vieux calmes, et les gens bien à leur place, les clochards à leur place, et les petits culs qui bougent au rythme de la nuit dans les caves aux lumières artificielles, et les pavés, et les lumières allumées de la ville, sans âme que l'histoire inconnue que je ne connais pas, et les monuments du patrimoine, les passants en bande qui vont rejoindre leur bande, boire leur verre autour d'une table dans les bars. Les êtres effacés dans les codes du collectif ensemble, polis ou subversifs selon le lieu où tu te rends et des communautés communes. Une identité corpus Christi moderne avec le cœur ouvert si ouvert que tu sembles pas conquis à mon regard de hyène. Je suis dans l'autre temps et dans l'autre désespoir pourvu que la babine me rende joyeuse à la fin et que ma joie se partage. Des flux sans dépassement, le liste déjà vu de tous les petits accords de la paix civile. Ils se promènent avec un nœud porté comme le drapeau de la paix civile et qui durent les uns des autres, calmement ou avec leur bière qui ouvre à peine leur corps, même pas fourmilière des mentes comme à Paris. Entente sociale, partage du cœur et moi qui pue et fermente. T'as le mec qui me dit arrête. L'air qu'on respire ici, ce n'est ni l'éther ni rien de naturel, c'est l'air du temps. Et moi j'arrête pas. Je porte mon cynisme en un rictus absurde, je ne reconnais que le décor de la ville. Merde. Les arbres restent, ils sont le seul espace qui parle à mon âme et le ciel pareil. Je voudrais pouvoir assumer un certain autisme qui me rend la paix à moi-même. Obsédée par mon histoire face à tous ces gestes sociaux consolidés, le groupe, ce fameux vivre ensemble comme un slogan politique, de chaque minute on se reconnaît, on veille à la commune. Toutes les lumières des sourires de nos gueules de consommateurs me semblent des ombres, oui, mais chimères. Et les familles se posent dans les parcs, la route avec ses petits détours hygiéniques, et juste l'âge de chacun que mon délire consomme, amateur. Vois son miroir, mon âme a mal appris. Bon, apprendre, c'est gratuit. Folie. Ça ne mange pas de pain. C'est rempli de gluten saturé. Et les oiseaux chantent. Folie. Qu'est-ce qu'ils chantent, les oiseaux? Vois ton âme. T'es a folie. Pas que noirceur. Idéalisme au trait tiré. C'est une folie. Je trinque à mon ombre. T'es qu'une fumeuse. C'est bien fumeux ce que je sers à votre cervelle. Mourir. Ah oui, les cœurs. Bien ouverts, les cœurs. Pour bien ouverts, bien adaptés. Ouverture du cœur et adaptation au nom de la tolérance. Respiration zéro. Chacun la bonne place. Ah oui, toutes ces vibrations partagées, tous ces êtres de lumière vivent, vibrant dans la paix. Ne respirez pas. De l'harmonie sociale. Ne respirez pas. Les gags dans ma cervelle démente. Ce n'est pas le moment de respirer. Et les hôpitaux et les prisons et les camps, dira-t-on, et les gestes de frôlement, peuple qui se frôle, tout en délicatesse civilisée. Car si dans les airs elles rôdent les buses et les autres, chiens et chats libres des raies et courtois, sans qu'on les oblige à faire partie du troupeau. On est occupé à faire autre chose. Rattrapez-la, rattrapez-la, je vous en prie. Toi, t'es des nôtres, mais pas des nôtres. Seras-tu des nôtres? N'est pas le moment de respirer. Seras-tu adopté le comportement opportun qui fait que nous nous reconnaissons dans notre énergie reliée de la paix? Car au nom des rois déchus, au nom des rois du cœur, la dame de pique a enfoncé le clou. On est occupé à autre chose. J'ai planté des petites graines dans des petits pots en plastique et en terre, industriels, et mes graines et les petits pots, et tous les jolis objets que j'ai récoltés sur mon chemin de civilisé, je les ai ramenés dans ma maison rectangulaire. Je ne propose que des angles, sans feu de cheminée ou feux ardents, sans pas. Terre. Il faut pas. Ah oui, la jalousie de vouloir être autre dans ce marasme. Sinon pas de jalousie, chacun sa place et l'espace entre. N'est-ce il pas faut. L'espace entre, la place il de la lumière faut. Entre, reste femelle. Il faut pas. Reçois la bienveillance, la pas. Bonté humaine. Voyons, il discutons, rencontrons-nous. Nous sommes. Avec mille voix dans les oreilles, oh pardon pour ma démesure, je mens, je triche, je ne vois pas. Une dizaine de voix qui disent rien, voyons le trône, ton église, ton temple, ton corps et ses costumes. Parce que dans ton corps, je ne vois que le costume, je ne sens que le costume. À croire que l'adaptation au même est bien ce qui nous relie. Ne parlons pas des pubs, nous sommes des pubs vivantes, des costumes pubs, qu'on est bien du même monde, la coupe de cheveux, de fringues, sans trous, sans taches, industrielle, chacun sa pub avec ses fringues, chacun son style dans la bonne case, mais ce ne sont que des apparences. Est-ce que tu aimes ? L'exotisme, toujours un peu, par le choix de telle ou telle fringue. La coupe, t'as choisi ta coupe, voyons bien les uniformes. Mais c'est un peu facho, tendancieux les uniformes. La kétamine. Là, c'est pire, des uniformes individualisants. La personne unique et semblable, mort. Au même coup, y a-t-il plus pervers? Et ta coupe de cheveux, on a la recherche des tribus. À l'ancienne, d'il y a fort longtemps, avec les souvenirs coloniaux, mélangés à nos actes subversifs, repris par les coiffeurs et les marginaux adaptés. Y a-t-il plus pervers? Iroquois, Black Angels, piercing et tatouage de nos corps stérilisés, de nos corps publicitaires, de nos corps prêts à consommer dans le bar où l'on se rend. Ne me parlez pas des jardins publics ou du trottoir. Se poser devant la devanture du magasin, bon appétit mademoiselle. Les civilisés, civils, passant gentiment, souriant, prêts à sourire, au même autre, semblable, autre, semblable. Le gag civil, ouverture du cœur, sans le prana qui nous entoure, regarde ta montre. T'as fait l'alliance? T'as fait l'alliance? T'as fait l'alliance? T'as fait l'alliance? Attention, sinon les vampires sont pas loin. Mais que tu prends pas garde à ta tête, à la tenir droite sur tes épaules, ils sucent, sucent, sucent les vampires, sucent les vampires, sucent. Et toi, si tu regardes ton frère, ta sœur, je suis pas ton frère, je suis pas ta sœur, je suis même pas un compatriote. On y croirait à la patrie, la mère patrie, stérile image, paysage, décor, civil, illusion agissante, mais tout est bien réglé. Pardon, je vais prendre des acides pour savourer la joie de la beauté partagée de notre ville consacrée. Des collègues, ah oui, parfois collègues, même qu'on peut se raconter nos petits dessins, nos personnages. peuvent interagir dans une certaine mesure, de mégalo interagissant. Selon nos objectifs partageables, notre milieu comme des petites marionnettes, avec l'animus inside, tu sais le cognatus qui nous anime, oui le même, énergie vitale qui nous anime, boulot, sorte de divertissement, ensemble rions de nos rires gras, hystériques, pourquoi encore nos rires communs, surtout ensemble, on rit l'un après l'autre, ou ensemble. Quand on sait par connivence ça qu'on est là pour rire et qu'on est ensemble, on va pas pleurer, hein, rire ou pleurer, non. Boire des verres et se raconter nos histoires du moment qu'elles soient communes. Et faire de la digression, tisser le fil de nos séries communicationnelles, je veux dire comme des séries télé. Avec notre bienveillant regard, notre être social bien adapté, donc pas compatriote, alors juste citoyen, citoyen, citoyen, de quoi non. Ah oui, derrière les apparences, quoi la famille humaine, quoi. Yeux marron, yeux bleu, vert ou quoi. Costume, salut costume, salut costume. Ne pas trop regarder ma frère ou mon sœur, qui est pas ma frère ou mon sœur, sinon tu leur fais peur. Ils ont peur des vampires, ici, chacun sur son trône, dans le métro, dans le bar, à l'école. Il y a toujours des chaises pour s'asseoir, se poser sur son trône. Et dans sa complétude sociale, ne regarde pas trop sans la complétude. Tu es reine ou roi, évidemment, de la pudeur. Des sourires courtois, la courtoisie est notre premier costume. La politesse festive, c'est encore mieux. Oh, comme nous sommes malicieux ici, et courtois. Dans le métro, ils ont même mis des barres en acier. Au cas où, à part assis, tu saurais pas tenir debout. Quand le mouvement de la civilisation technologique t'emmène là où tu vas aller. Le centre de gravité, c'est le décor qui est lourd et nous relie à la terre. Nous âmes, amène et divertis, nous volons dans la ville, sans nos ailes respectives, attention, chacun ses ailes. Sous l'aile artificielle de la ville, nous glissons le long des routes qui tournent en boucle, avec le fossé au milieu où ça fait longtemps que l'eau sale ne coule plus. Mais moi, à part la saleté, je ne vois pas ce qui nous donnerait une raison d'être humains ensemble réunis. Si la saleté officielle n'est plus visible, si elle est bien cachée, on ne sait pas où. Faut bien une petite bombe qui éclate à l'usine où les procédés procèdent tranquillement dans la ville civile pour dire qu'il y a de l'eau dans le gaz. Tout le monde est bien habillé correctement. Faut savoir rester correct, un peu de bagarre le soir et de cris poussés par les buveurs de bière, acceptés lorsque c'est l'heure, y a pas de tension sociale. Le peuple est correct, pourrait dire le Premier ministre. Nous avons affaire à un peuple correct, docile et courtois, le cœur ouvert, qui sait gérer ses petites affaires, sauf ton âme. Mais c'est la fin des karmas, non, c'est pas l'apocalypse. Le juge éternel nous, il nous juge, il nous juge, il nous regarde. Le juge éternel nous regarde, attention, garde la paix sociale, il voit tout le monde. Faut arrêter de parler, de trop dire. À quoi ça sert un regard aliéné? À quoi ça sert un regard aliéné? À quoi ça sert un regard aliéné? Nous, êtres organiques, va à la piscine, va faire ton footing, ça défoule. Vois la danse des vivants qui dansent dans la ville avec leurs ailes. Sauf les zombies, comme moi. Les autres, ils volent dans les escalators. Attention, le signal, la porte s'ouvre et se referme. Mécanique porte, système numérique. Inculte. Vous pouvez emprunter le passage. Vous avez bien bipé vos identity cards avec photo et adresse postale? Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net? Entrez dans le royaume de l'illusion partagée. Nuisance. À chacun les siennes. Et que ça peut même durer toute une vie. Avec le même décor, yen. Yen ou pas yen? Flux et code de circulation de nos âmes dans la société marchande ou alternative avec quelques dreadlocks aussi. Ne me parlez pas des costumes de hippie. Montrez, cachez tout à la fois. Montrons, cachons, c'est notre monde. Montrons notre gueule, pas trop. Cachons, tout va bien dans la paix civile. Ciao, pantin. Bella ciao. marin. La forêt où ce qu'il en reste là-bas, très loin, un autre monde qui vivrait les dessous de la terre, le magma, les couches géologiques. La géosphère, toutes ces abstractions de l'école, non. Non, justement, pas des mots, pas des concepts. Chercher en ton âme les fruits que tu quêtes. Au boulot et courage, mon petit zombie. Courage, mon petit zombie. Il t'en faudra, mon cher enfant perdu, pour affronter tes démons et toutes les carapaces qui ont durci ton cœur. Courage, mon Pierre. Courage, ma Françoise. On n'est pas des cochons ici, pas des cochons. Faut pas t'abîmer. Fais comme Pierre Rabhi. Il n'est pas absurde. Faut faire ses armes. Faut faire silence. T'es dans ta tête. Mais c'est pas ça. C'est dans ton cœur, le cœur ouvert. Vas-y. Tu te donnes trop d'importance à toi, même. Ouais, machine. Nous aussi, on a un cœur. Partagé, même. Pourquoi tu parles tout le temps avec ta tête? Vas-y, sens. Protège, protège l'enfant. L'enfant, c'est toi, gamine, vicieuse, t'abuses. Protège l'enfant des ogres, des ogres. Tu t'es vu, toi, ogre? Protège l'enfant des mangeurs d'enfants, au repas convivial des mangeurs d'enfants. Aujourd'hui, tous on joue, ils jouent. Ah oui, toi tu joues. Tu joues ou tu joues pas? Alors tu joues à jouer, à ne pas savoir jouer. Non, c'est faux, à jouer, à être conne. À jouer la ville. Tu joues la ville. Tu joues à être conne, à jouer la ville. À jouer l'adolescence de la ville dans toute sa démesure. Les autres, ils jouent juste. Ils jouent juste. Toi, tu joues pas. C'est là le drame. Ben, vas-y, tu vois que tu joues, tu vois que tu joues. Soumise, ils t'ont soumis, il dit je t'ai soumis, comme dans un jeu vidéo. On est dans un jeu vidéo, un jeu vidéo. Un jeu vidéo. On est tout puissant et complètement virtuel. On se croit tout puissant, on est complètement virtuel. La hyène reparle, pauvre matrice. Joueur de casino, joueur de poker, joueur de tarot, joueur d'émissions télé, joueur de télé-réalité. La hyène est mégalo, bien joyeux joueur, comme c'est drôle de jouer, ils ont plus d'ego. Nous sommes, dans une certaine mesure, démesurés, dans un grand zoo, nourris, mis en cage, avec un agenda, un planning. La hyène a mis sa moustache d'Hitler, Elle a cru que c'était ça le monde. Ben oui, le capitalisme dont on parle. Elle a mal aux dents, la hyène. Pourtant, elle sait pas bien les mettre au repos. Trop d'assurance a pris la hyène. Pas humble, l'hyène. Ben, on lui avait appris que... Ben oui, il fallait être arrogante. Elle a mal joué. Plus petite, elle jouait aux billes. Son arrogance était puérile et même touchante. Parce qu'elle se disait, je joue seule aux billes, avec les calots et les agates et tout ça. Et elle rencontrait des fourmilières, et elle tripait avec les fourmis. Elle les tuait pas, mais déjà, ça lui donnait une vue d'au-dessus. Qu'elle se disait, c'est un trésor.

Thank you. Je me parle de mon corps. grenouille en fait un cauchemar. Il y a plein de crapauds qui rêvent, les crapauds ça rêve, les crapauds ça rêve le soir dans la mare. Les crapauds ça rêve le soir dans la mare. Les crapauds rêvent dans la mare le soir, les crapauds en ont marre et font des cauchemars. Les crapauds dans la mare rêvent, rêvent, rêvent et partagent leurs cauchemars. Dans la communauté, les entendants, dans la communauté, les entendants, les crapauds croissent, croissent, croissent, croissent leurs orgueils. Les crapauds croissent, croissent, croissent, croissent, croissent dans la mare et se transforment en cheval blanc, cheval blanc, cheval blanc qui court, court, court en chantant la cour, court, court, la cour, la cour, la cour, la cour, la cour, la cour de celui qui entend tout, voit tout. L'omniscient partout se tient, tiens-toi bien droit et ouvre. Ouvre la petite porte du bonheur. Toc toc toc toc. Toc toc toc toc toc toc toc. Toc toc toc toc toc. Frappe bien tout doucement, tout gentiment, tout tendrement. Frappe bien tout tendrement, tout doucement. Avec douceur, la douceur. Il faut de la douceur pour accéder au royaume de la paix, de la paix, de la paix. De la paix, puis sans peine. Crois, crois et décrois, les décrois et décrois. Et les tisse les songes du sorcier noir qui a cru t'avoir et te vouloir. Des tisses, les rêves noirs des sorciers accoucheurs de cauchemars. Les sorciers sont stériles, les sorciers sont stériles. Des tisses, les cauchemars du sorcier noir qui s'ennuie. Toc toc toc toc toc, toc toc toc. Écoute la grenouille croise à l'heure de la lune quand elle croit ou décroît. Toc toc toc toc toc, toc toc toc toc toc. Vois-tu les terres autour des terres, les terres, les terres, l'éternité couchée des pieds, les terres. L'espace entre chaque molécule, éjacule, molécule, thank you.

coup. Il est 23h sur l'antenne de Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net sur le web. Et c'est actuellement l'émission Nuisance qui se termine avec la participation de deux personnes. Avec Hélène Moreau et Karina Benziata et Al. Un tout petit peu Al, à peine. Al. Dans Nuisance, l'émission de toutes les nuisances, l'émission qui nuit au sens. Ou pas. Qu'on dira, qu'on dira, qu'on dira, qu'on dira, t'en

Thank you. c'est infernal, c'est pas de la musique, on arrête tout. C'est le moment ou jamais de tout arrêter.